rencontre des enfants, à ce plus jeune dormant, sous les ponts de Paris, à celui des arbres, où je distribuais les petits livres que je fabriquais. Je signe et persiste à croire aux voluptés. Philosophe patenté, je t'ai trouvé au rive de la Seine, signe d'air, d'eau et de feu, sur les reflets passagers. Je dessinais sur des grandes feuilles blanches des mots coloriés. Parfois, une pièce d'argent tombait. Mon avenir, celui que je me suis forgé, n'a jamais été assuré. Vieux vagabond, rencontre les enfants, à ce plus jeune dormant, sous les ponts de Paris, à celui des arbres, où je distribuais les petits livres que je fabriquais, je signe et persiste à croire aux voluptés. Philosophe patenté, je t'ai trouvé aux rives de la Seine, signe d'air, d'eau et de feu, sur les reflets passagers, je dessinais sur des grandes feuilles blanches des mots coloriés. Parfois, une pièce d'argent tombait, mon avenir, celui que je me suis forgé, n'a jamais été assuré.